إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue notre dars. Et on est encore dans le chapitre, dans le livre de Rusul min al-Qur'an, on est encore dans le chapitre qui explique Al-Kufr wa al-Shirk fil Qur'an. D'accord? Et là, on va traiter du point aujourd'hui qui est Ar-Ridda, c'est-à-dire l'apostasie. Puis il y a quelques points à mentionner avant de rentrer dans ce sujet-là. Donc, on va commencer à expliquer quelques petits points en partant. C'est que dans ce sujet de Ar-Ridda ou de l'apostasie, eh ben il y a eu des formes d'extrémisme dans le temps présent à ce sujet-là et même dans le passé au sujet de Ar-Ridda, au sujet de l'apostasie. Et c'est-à-dire qu'il y a l'extrême des gens qui sont allés dans l'exagération dans qu'est-ce qui concerne le takfir et de déclarer des gens comme étant des apostats ou des mécréants. Puis il y a eu l'extrême des autres, parmi certains musulmans qui veulent considérer qu'il n'y a rien qui peut faire sortir quelqu'un de l'islam, peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu penses, peu importe qu'est-ce que tu fais, hein, et qui disent qu'il faut avoir une liberté totale, et que tout le monde peut dire et faire et penser ce qu'il veut dans l'islam. Donc ça c'est deux extrêmes et puis c'est totalement, les deux sont totalement en contradiction avec l'islam. Et yani alhamdulillah, encore une fois, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a qui a pris le juste milieu à ce sujet-là et qui a adopté une position du juste milieu, alhamdulillah. Donc il y a parmi certaines personnes d'aujourd'hui, parmi les gens qui appellent à l'islam, soi-disant, ou qui se présentent comme étant des du'ats à l'islam, il y a des gens qui essaient de nier qu'il y a une punition dans l'islam qui s'appelle la punition pour l'apostasie ou pour Ar-Ridda. Ils disent que, par exemple, la punition pour l'apostasie, c'était uniquement au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des problèmes entre les musulmans et que les gens commençaient à rentrer dans l'islam. Et qu'il y avait donc, à cause de ces raisons-là, eux, ils disent que ça, c'était juste pour l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pas, c'est pas jusqu'à la fin des temps, et c'est pas aujourd'hui. Et ça, bien entendu, c'est batil, c'est faux. La punition pour Ar-Ridda, c'est pas spécifique à une époque, c'est-à-dire c'est pas spécifique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour toutes les époques qui viennent après jusqu'à nos jours. Et il y en a aussi qui se basent sur l'idée, par exemple, que il y a par exemple la liberté de penser, la liberté de croyance, ils se basent sur les droits de l'homme tels qu'établis par les juifs et les chrétiens, donc ils se basent sur ces principes là qui sont établis par ces koufars là et puis ils essaient d'interpréter l'islam à la lumière de ces de ces idées de kuffar là, alors ils disent que tout le monde est libre et tout le monde peut y croire et penser et faire et dire qu'est-ce qu'il veut. Et ça n'a rien à voir avec l'islam, au contraire même, c'est plutôt contraire à l'islam. Il y a par exemple les journalistes qui, parfois dans les pays musulmans, c'est des journalistes qui sont soit laïcs ou bien qui ont d'autres tendances et puis qui écrivent n'importe quoi au sujet de l'islam et parfois même qui vont essayer même de critiquer l'islam ou de créer des choses contre l'islam sous prétexte qu'ils ont la liberté d'opinion, la liberté de penser, des choses de ce genre. Donc, comme ces arguments-là, c'est pas des arguments valables parce que justement, c'est pas basé sur l'islam, c'est basé sur les idées des gens qui sont pas musulmans, qui ont inventé ces principes-là, qui ont inventé les principes des droits de l'homme, et c'est des principes qui sont pas tirés du Coran et de la Sunna. Mais bien entendu, ils ont essayé de trouver des arguments dans le Coran et dans la Sunna pour essayer de justifier leurs pensées et leurs idées, hein. Comme par exemple, j'ai entendu une fois une conférence de Tariq Suwaydan, très connu dans le monde musulman parce qu'il a fait des séries de cassettes sur l'histoire, hein. Et donc à cause de ces cassettes sur l'histoire, ça lui a donné une réputation et puis par la suite, bon, ça lui a permis de sortir son vrai visage. Donc Tariq Suwaydan, c'est un Rafidi, c'est un Shi'i Rafidi. Et il dit aux Shia, insultez pas Abu Huraira ouvertement, insultez-le en cachette. Yani, insultez-les pas devant les gens. Donc, c'est un Rafidi, et puis il défend toujours les Shia. Non seulement ça, il a fait une conférence ici à Toronto, organisée par ISNA. Et ISNA, c'est une organisation ici au Canada qui est comparable à qu'est-ce que vous avez en France comme les gens de Ikhwan Muslimin, je me souviens plus leur nom, mais je sais qu'ils organisent des conférences à un endroit qui s'appelle Bourget, je crois. En tout cas, c'est une conférence dans une salle immense, et puis ils invitent des gens pour parler, Annie, jamais des ulama, bien entendu. Puis ils invitent des gens de toutes sortes de tendances différentes. Bien entendu, ils ne vont jamais inviter des salafis. Et puis, Tariq Suwaydan était là-bas. Et puis, il l'a dit dans une conférence qu'il a donnée. Il parlait de la liberté et de la démocratie. Et puis, il a dit que dans l'islam, il n'y a pas de punition pour la ridda. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. Quelqu'un a le droit de quitter l'islam s'il veut. Donc, il a prétendu ces idées-là. Et puis, c'est basé sur le verset qui dit « La ikraha fit din ». Il n'y a pas de compulsion dans la religion. Et bien entendu, comme Cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans ses durus, il a dit, quand il explique le chapitre de Ar-Ridda dans son Sharh de Zad al-Mustaqni', qui est un livre de fiqh, il dit dans ce cours-là, il est disponible sur son site, aussi en arabe, il est disponible sur son site, c'est-à-dire le site du Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh il dit que la ikraha fid din, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est musulman, il a le droit de dire et faire et penser ce qu'il veut, même si c'est contraire à l'islam, ou bien qu'il a le droit de quitter l'islam. Ça ne veut pas dire ça. L'ikraha fid din, c'est pour les non-musulmans, c'est-à-dire on n'a pas le droit de les forcer à rentrer dans l'islam. Et donc il dit que lorsque tu appliques la punition de l'apostasie sur une personne, l'ikraha fid din, ça veut dire il n'y a pas de contrainte en religion. Et le cheikh il dit que l'ikraha fid din, l'apostasie, arredda, la punition pour arredda, ça ne fait pas partie de la compulsion, ça fait plutôt partie de la protection et de la défense de la religion. Hein? Parce que si on n'applique pas cette punition-là, les gens commencent à prendre la religion comme un jeu, commencent à s'amuser avec l'islam, et puis commencent à utiliser ça comme un prétexte pour mettre des doutes dans le cœur des gens, puis essayer de les dévier du droit chemin. Donc, la ikraha fid din, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas musulman, tu n'as pas le droit de le contraindre à se convertir à l'islam. Tu dois le convertir en lui donnant les arguments et les preuves pour qu'il soit convaincu, mais tu ne peux pas le forcer, prendre une arme par exemple, et lui dire que si tu n'es pas musulman, on te tue, des choses de ce genre. Ça c'est un point, et puis aussi c'est qu'une personne qui est musulmane, c'est-à-dire elle a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, donc elle est à partir de ce moment-là elle est obligée d'appliquer hein, et de respecter les règles de l'islam. S'il veut demeurer musulmane. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de contrainte puisqu'elle est musulmane, elle a témoigné de ce fait-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé que la peine pour la personne qui commet l'apostasie, qui quitte l'islam, c'est la mort. Et dans l'au-delà, après la mort, il y a un châtiment encore plus grand que la mort ou que de se faire tuer, c'est qu'il soit en enfer pour l'éternité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath » Et il a dit le sang d'un musulman est interdit, c'est-à-dire il n'est pas permis, excepté pour trois choses. Al-thayyib al-zani, la personne qui est mariée et qui commet l'adultère, donc cette personne-là elle est exécutée par lapidation selon la loi islamique. Wa nafsu bin-nafs, c'est-à-dire une personne qui a commis un meurtre et donc elle est exécutée selon la loi islamique, hein. On lui coupe la tête selon la loi islamique avec une épée. Et le troisième c'est c'est-à-dire la personne qui quitte la religion musulmane et qui quitte la jama'a des musulmans, c'est-à-dire qui quitte le camp des musulmans pour quitter l'islam. Donc ça c'est un hadith qui prouve que quelqu'un qui quitte l'islam, la punition c'est la mort, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sang d'un musulman est interdit excepté pour ces trois choses-là. Bien sûr, la personne qui fait le zina et la personne qui tue, elle ne quitte pas l'islam, mais c'est-à-dire la personne qui quitte la jama'a ou qui quitte sa religion, eux sont quittent l'islam et leur sang est halal. Donc ça c'est l'exemple de la punition pour ces gens-là. Et puis après man baddala dinahu faqtuluh, ça c'est un autre hadith aussi. Le premier est muttafaq alayh, c'est-à-dire il est rapporté sur Ibn Mas'ud dans Al-Bukhari et Muslim. Et le deuxième, man baddala dinahu faqtuluh, celui qui quitte ou qui change sa religion, tuez-le. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari selon Ibn Abbas et il est également sahih. Il est dans Sahih Al-Bukhari. Donc ça c'est des hadiths qui sont clair à ce sujet-là. Et le cheikh il explique, il dit ar-ridda, far-riddatu hiya ar-ruju' 'an al-islam wa takunu imma bil-qawli wa imma bil-fi'li wa imma bil-i'tiqadi wa imma bil-tark. Donc le cheikh il dit que la ridda dans la langue et dans la langue ça veut dire de revenir sur l'islam, c'est-à-dire de quitter l'islam. Et le cheikh il dit que ça peut se faire soit par la parole, soit par une action, soit par une croyance, ou soit par quelque chose qu'on a abandonné. D'accord? Ça, c'est la définition à ce sujet-là. Maintenant, c'est quoi la sagesse, Yanni? C'est quoi le but? Pourquoi Allah a légiféré cette punition-là pour un crime pareil? Une des plus importantes sagesses dans ça, c'est le fait que c'est une protection pour la aqida, c'est une protection de l'aqida et une protection de la religion pour pas que les gens puissent prendre la religion comme un jeu, hein, pour pas que les gens commencent à prendre la religion comme un jeu. Et donc, par contre, il y a des exceptions, Yanni, il y a des exceptions pour Ar-Ridda. Pour ces choses-là qu'on va mentionner, on exclut des gens qui sont sur qui on peut dire qu'ils sont des apostats. On exclut une série de cas spécifiques qui sont excusés, et c'est-à-dire jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on puisse réellement dire qu'ils sont des apostats, il faut qu'on ait vérifié certaines choses avant. Pour vérifier certaines choses avant, pour être certain que ces choses-là ne soient pas, que ces gens-là ne soient pas accusés d'être des apostats, alors qu'ils ne sont pas vraiment. Et parmi les choses qui font qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est un murtad, il y a le cas du al-mukra, c'est-à-dire la personne qui a été forcée à dire une parole de kufr, ou à faire un acte ou quelque chose qui est kufr. Comme par exemple, l'exemple de Yassar, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un sahabi. On a exécuté devant lui son père et sa mère, parce qu'ils ont refusé de revenir de leur religion, de quitter, ils ont refusé de quitter l'islam et ils ont refusé d'accepter les idoles. Donc à cause de ça, les mouchriquins les ont tué ses parents devant lui. Et lorsqu'ils ont terminé de tuer ses parents, ils sont venus pour l'exécuter lui aussi. Et donc ils lui ont dit, soit tu reviens à la religion de tes ancêtres, c'est-à-dire aux idoles, ou bien sinon on te tue. Alors lui, pour sauver sa vie, il a dit, malgré que dans son cœur il avait la foi, Yanni. Alors Yanni, ça c'est le cas du Mukra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à ce sujet, au sujet de la personne qui prononce une parole de kufr par contrainte, eh bien lui, alors que son cœur est rempli de foi, eh bien celui-là, il n'a pas quitté l'islam. Donc ça c'est le premier cas de personne qui est excusée. Le deuxième cas de personne qui est excusée, c'est al-jahil, hein, une personne qui est ignorante, qui prononcerait ou qui ferait quelque chose qui est kufr par ignorance. Soit parce que par exemple la personne est nouvelle dans l'islam, elle vient de se convertir, elle n'a pas connaissance des détails de la religion, ou bien une personne par exemple qui est musulmane mais qui a vécu tellement loin des musulmans puis tellement loin des pays musulmans qu'elle n'est pas au courant des détails de la religion musulmane, hein. Donc cette personne-là, on ne peut pas dire qu'elle est murtad ou qu'elle est apostat ou qu'elle a apostasié l'islam jusqu'à ce qu'on lui ait enseigné et expliqué comme il faut les règles. Une personne également qui est muta'awwil, hein, al-muta'awwil, c'est-à-dire une personne qui a une shubha, par exemple, une personne qui a mal compris quelque chose, hein, qui a fait une erreur, hein. Donc dans le cas d'une personne de ce genre, on n'applique pas sur cette personne la punition de Ar-Ridda, parce que la personne n'a pas voulu consciemment contredire l'islam, sauf qu'elle était ignorante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan wa ma stukrihu alayhi. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il épargne la umma de qu'est-ce qu'elle a fait par erreur et par oubli, ou bien ce qu'elle a été forcée, ou ce que quelqu'un a été contraint de faire. Donc ça veut dire, si quelqu'un a été contraint de quitter l'islam ou de dire une parole de kufr, ou si quelqu'un a fait une erreur, ou si quelqu'un a oublié, alors dans ce cas-là, elle n'est pas considérée comme étant un murtad. Un autre cas d'une personne qui peut être excusée également, c'est al-muqallid. Par exemple, la personne qui a suivi aveuglément des gens sans savoir que ce qu'ils faisaient était kufr. Hein? Par exemple, il y a des gens, c'est des gens qui ils savent pas, ils trouvent des gens en train de faire quelque chose, ou ils trouvent des gens en train de dire quelque chose, et puis ils croient que ce qu'ils disent est la vérité. Et donc, dans ce cas-là, cette personne-là, on ne dit pas qu'elle est kafir parce qu'elle a été, elle a suivi aveuglément, ou elle a suivi des gens sans savoir ce qu'ils faisaient était kufr ou shirk, que ça représentait une contradiction avec les fondements de l'islam. Et également, on peut mentionner également, par exemple, dans un cas d'une personne qui, par exemple, a fait quelque chose au sujet de laquelle il y a des différences d'opinion. Hein, parfois, il y a certaines choses au sujet desquelles il peut y avoir une différence d'opinion sur est-ce que c'est kufr ou est-ce que c'est pas kufr. Et bien, dans un cas pareil, on ne doit pas se précipiter à déclarer cette personne-là comme étant une mécréante sans vérifier et sans bien être certain de la question et de la situation. De même que la personne au sujet de laquelle on a menti. Parfois, quelqu'un peut être accusé de quelque chose, peut être accusé quelque chose injustement. On peut l'accuser d'avoir dit ou d'avoir fait quelque chose alors que c'est pas vrai. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا أيها الذين وإن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. Ainsi, une personne qui est pas fiable, qui est pervers, vous arrive avec une information, alors vérifiez-la. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Pour pas accuser quelqu'un injustement, et puis après vous auriez des remords pour qu'est-ce que vous auriez fait d'avoir accusé quelqu'un par ignorance. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des groupes de gens qui ont exagéré ou qui ont dépassé la limite au sujet de du takfir yani, et qui ont déclaré des gens comme étant des koufars sans vérifier ces cas-là et puis sans prendre garde. Donc yani, surtout dans le cas actuel yani, et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique également dans le Sharh de Zad Al-Mustaqni' que le takfir c'est un hukm shar'i hein, c'est un verdict qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tiré du Coran et de la Sunna. Et donc c'est pas à quelqu'un de déclarer qui il veut comme étant mécréant ou apostat, ou comme certains aiment dire d'excommunier par exemple quelqu'un, ça n'existe pas dans l'islam, l'excommunion, mais ils utilisent ce mot là, ça vient du christianisme. Donc c'est pas aux gens de décider qui est kafir, qui est pas kafir, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit qui est-ce qui est kafir et qui n'est pas kafir, et c'est aux ulama d'appliquer le verdict sur les personnes, sur ces personnes là donc d'appliquer les verdicts du Coran et de la Sunna sur les personnes qui ont rempli les conditions et qui n'ont pas eu une de ces causes là qui pourraient faire que ces personnes là sont excusées, d'accord. Donc c'est aux ulama de vérifier ça et d'analyser ça pour être certain que il n'y aura pas des gens qui vont être accusés de mécréance sans preuve et sans raison. Et donc, la personne qui a commis un acte ou une parole de ridda ou d'apostasie ou de mécréance, eh bien, cette personne-là, elle doit être présentée devant un juge. Hein, et c'est le juge shar'i, al-hakim al-shar'i. Pas n'importe qui, yani. C'est pas n'importe qui dans la rue, un individu musulman, yani, ou le chef d'une jama'a, hein, le chef d'une jama'a, d'un groupe qui s'est déclaré elle-même comme étant, ayant une autorité dans la religion musulmane. Comme certains groupes islamiques ont fait ça dans certains pays musulmans, ils se sont organisés en groupe, hein, et puis là ils ont élu un chef, hein, par élection ou bien par vote, et puis là ils ont dit, bon, nous notre groupe, on représente l'islam et on représente les musulmans dans notre pays. Tout groupe, toute personne ou individu qui désobéit à notre groupe ou qui ne rentre pas dans notre groupe, eh bien c'est des gens qui sont en dehors de l'islam. Et puis là ils ont commencé à envoyer des lettres à des gens pour les menacer, yani pour les dire vous êtes des apostats et on va vous exécuter selon la loi de la charia et tout ça, comme si ils sont eux les responsables dans le pays, comme si eux ils ont une autorité alors qu'ils n'ont aucune autorité. Et alors que ce jugement-là et ce verdict-là, ça appartient uniquement au dirigeant légitime et au dirigeant légal, celui qui est réellement au pouvoir et qui organise la vie des gens, et non pas à des groupes qui s'organisent eux-mêmes puis qui se sont élus un dirigeant ou un chef juste parce qu'ils ont trouvé que leur président ou leur gouverneur était injuste, ou bien parce qu'il trouvait qu'il n'appliquait pas toutes les règles de la charia ou des choses de ce genre. Donc ça se fait pas de cette façon-là, comme on a expliqué ça plusieurs fois dans différents durus. Et donc c'est au juge légal de faire appliquer cette peine. Il va faire en sorte que la personne qui a commis un acte ou une parole de ridda, eh ben, on va l'amener devant le juge et on lui donne 3 jours. Hein. C'est pas, on le prend puis on lui donne 1 heure puis on lui dit si tu deviens musulman, sinon, si tu reviens à l'islam, sinon tu vas être exécuté. Non. On lui donne 3 jours, hein, pour qu'il puisse réfléchir. Et là, on l'enferme dans une prison durant ce temps-là, ou bien on le met dans une cellule ou dans une pièce et on lui demande s'il a des questions, s'il a des choses. Il y a des ulama qui vont être là, qui vont être capables de lui clarifier des choses qu'il n'a pas compris ou des choses qu'il a pas su au sujet des règles de l'islam. Hein. Donc pendant ces 3 jours-là, on doit le laisser et lui demander de revenir à l'islam. Et ça c'est accepté pour la personne qui a insulté Allah ou qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui a insulté Allah ou qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il est exécuté sans qu'il ait de délai, c'est-à-dire sans qu'on lui donne le 3 jours de délai. Et ça c'est même s'il se repent. C'est-à-dire même s'il se repent, Allah il accepte sa repentance, excepté que on l'exécute quand même. Et puis, yani, même si c'est un non-musulman, par exemple, qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'est converti à l'islam, il est quand même exécuté selon la loi islamique. D'accord? Et le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un livre à ce sujet-là qui s'appelle As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, et il a expliqué le verdict des imams des quatre madahib, hein, de l'islam à ce sujet-là, et il a clarifié que ça c'est le verdict de tous les ulama et de tous les imams de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Donc, alhamdulillah, là-dessus, il n'y a pas de doute. Puis, en ce qui concerne également le zindiq. Le zindiq, c'est qui? C'est celui qui apostasie l'islam, une fois après l'autre. C'est-à-dire, il fait un acte de mécréance ou des paroles de mécréance. Il dit des actes de mécréance et il se repent. Et puis, il le refait. Et puis, il se repent. Et puis, il le refait. Et puis, il se repent. Une personne comme ça, on n'accepte plus sa repentance et on ne lui donne pas d'occasion comme si on l'exécute sur le coup. Et on l'appelle, cette personne-là, on l'appelle Azindir, c'est-à-dire un hérétique. Hein? Donc, ça c'est Azindir. C'est juste pour spécifier que il y a un livre qui a été traduit, un livre au sujet des bid'ahs du Cheikh Al-Fawzan, qui a été traduit en français, puis ils ont mis le titre l'hérésie. Donc, un petit détail en passant, c'est que l'hérésie c'est plutôt azandaka plutôt que la bid'a. Yani, c'est pas vraiment la bid'a, parce que il y a des bid'a qui peuvent être des hérésies, mais c'est pas toutes les bid'a qui sont des hérésies. C'est une petite nuance ici que azandaka c'est un peu plus que al-bid'a. D'accord. Et une autre personne aussi qui n'a pas de délai ou de, c'est-à-dire qu'on exécute sur les champs, c'est as-sahir, c'est-à-dire le magicien, la personne qui fait de la magie. Donc as-sahir, lui, on lui donne pas de tawbah. D'accord. Même s'il se repent, s'il se repent avant qu'on l'attrape, oui, ok, bien sûr, il sera on accepte sa repentance, mais si on l'attrape avant qu'il se repent, dans ce cas-là, il n'y a pas de repentance pour lui. Donc ça, c'est en ce qui concerne ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le murtad, hein? Eh ben, il faut savoir que parmi les choses, qu'est-ce qu'on fait avec le murtad après lui avoir demandé de se repentir et de lui avoir donné 3 jours, eh ben, on doit le séparer de sa femme. Si sa femme est musulmane, on le sépare de sa femme. Sa femme, il n'a plus le droit de rester avec elle. Et s'il revient à l'islam, elle retourne avec lui. S'il reste et qu'il refuse de revenir à l'islam, eh ben, elle sera séparée de lui. Sera plus considéré comme étant sa femme. Troisièmement, yumna min at-tasarruf fi amwalih, c'est-à-dire on lui laisse plus jouir de ses biens et d'utiliser ses biens jusqu'à ce qu'il revienne à l'islam durant ces 3 jours-là. S'il revient à l'islam, on lui remet ses biens. S'il reste dans la mécréance, eh ben ses biens seront distribués dans Baytul Mal al-Muslimin. Ça va être considéré comme un butin qui revient au trésor des musulmans, et ses héritiers n'ont pas le droit à son héritage parce qu'il n'est pas musulman. Et le non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman, et le musulman ne peut pas hériter d'un non-musulman. Ensuite, on le lave pas. Il n'est pas lavé. Son corps n'est pas lavé, et on ne prie pas sur lui. Quand il meurt, on ne fait pas la salat de janaza, et il n'est pas enterré dans le cimetière des musulmans. On prend son corps puis on le jette quelque part dans un espace désert. D'accord? Puis c'est ça. Donc, ça c'est les règles en ce qui concerne l'apostat. Et donc, c'est quand on voit ces règles-là, subhanallah, on comprend tout de suite que c'est quelque chose de très sérieux. Donc, d'accuser quelqu'un d'être un apostat, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de très très très sérieux, Et donc quelqu'un peut pas juste jouer avec ça puis déclarer comme ça que un tel est mécréant, un tel est pas mécréant, un tel est apostat, un tel est pas apostat, un tel est mouchrik, un tel n'est pas mouchrik. Ça c'est une chose qui revient aux ulama de l'islam et c'est pas aux gens de commencer à patauger dans ces discussions là. Faut essayer de discuter là-dessus puis essayer de s'argumenter puis de se disputer là-dessus. Hein, comme font certains parmi les gens de takfir et les gens de djihad aujourd'hui qui se prétendent de faire le djihad mais qui en réalité sont déviés et qui sont même pas, qui n'ont rien à voir avec ces questions-là. Maintenant, on va commencer à expliquer les différents cas de ridda que le cheikh a mentionné dans son livre. Le cheikh il dit, par exemple, il explique les différents cas de ridda, que ce soit par la parole, par les actions, par la croyance et par l'abandonnement. Il dit, le premier c'est أن تكون بالقول كأن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر غير مكره فيرتد بذلك عن الإسلام. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Donc, le cheikh, il dit premièrement, l'apostasie par la parole, c'est qu'une personne prononce une parole qui est une parole de mécréance sans qu'il soit contraint. Hein? Donc, une personne qui dit une parole de mécréance sans qu'il soit contraint, alors il est considéré comme ayant quitté l'islam. Et il mentionne un verset dans Surat At-Tawba, le verset 74, et certes ils ont prononcé une parole de mécréance et ils ont mécru après leur islam, kafaru ba'da islamihim. Donc ça prouve que quelqu'un peut quitter la foi après avoir cru, et il y en a quitté l'islam après avoir cru, contrairement à d'autres qui prétendent que peu importe qu'est-ce que quelqu'un peut faire, il est apostat. Peu importe ce que quelqu'un peut faire, il n'est pas considéré comme étant un apostat. Donc il y a ça. Après le cheikh dit فَإِذَا نَطَقَ الْإِنسَانِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا قَالَ تَعَالَى. Là il va mentionner un long verset, mais le cheikh il dit lorsqu'une personne prononce ou parle d'une chose qui est kufr, alors on dit qu'il est kafir, excepté qu'il soit s'il est contraint, il a été contraint. Et il mentionne la preuve de ça, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum azabun 'azim dhalika bi annahum istahabbu al hayata ad dunya 'ala al akhirah wa anna Allah la yahdi al qawm al kafirin. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. D'accord, donc ça c'est un verset qui est dans sourate An-Nahl. Sourate An-Nahl, et c'est le verset 106 à 109. Ça signifie quiconque a renié Allah, quiconque a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cru, après avoir eu la foi, hein, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de foi et de sérénité dans la foi, hein, alors que son cœur demeure plein de sérénité dans la foi, hein, ceux-là, ils sont excusés, mais les autres qui ont renié la foi et que leur cœur s'ouvre délibérément à la mécréance, eh bien ceux-là, ils encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils auront un grand châtiment. Okay? Donc la personne qui a mécru et qui a été contraint, celui-là, il est excusé, tandis que l'autre qui a eu le cœur qui a été ouvert à la mécréance, qui a mécru délibérément, eh bien celui-là, il a une colère d'Allah et un grand châtiment, il a mécru réellement. Donc on peut pas faire des blagues, au sujet de dire, par exemple, ah mais moi je suis mécréant. Des fois tu vois ça, ça m'est arrivé de rencontrer certains musulmans et certaines musulmanes, quand tu leur parles de l'islam, tu leur dis mais tu dois faire ci ou tu dois pas faire ça, tu dois adorer Allah, tu dois faire la salat, ils te disent là comme, on est comme pour te se débarrasser, ils te disent Mais écoute, moi je suis kafir, yani, parle-moi pas. Et il pense qu'en disant ça, c'est juste une blague, ou bien que ça compte pas, yani. Alors, ils pensent que ça compte pas parce que dans leur cœur, ils se disent que moi je le dis juste avec ma bouche, mais je le crois pas réellement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il explique dans ce verset-là que toute personne qui a prononcé une parole de kufr sans être contraint à le faire, il est réellement mécréant. D'accord? Il l'a fait délibérément, il est considéré comme étant un mécréant. Donc, il doit se repentir pour revenir à l'islam, refaire son shahada. D'accord? Parce que c'est considéré comme une parole ou un acte de kufr. Et lui-même, Shawkani, il a mentionné ça dans un de ses livres, qu'il y a des gens parmi les gens qui font des péchés qui parfois, yani, pour se permettre de faire certains péchés, ils se font passer pour des juifs ou pour des chrétiens, yani, pour se permettre de faire certaines choses haram. Et le cheikh, il a dit que ça, c'est un kufr, yani. Donc, après, le verset, il dit quoi? Et il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas les gens mécréants. Et voilà ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a scellé les cœurs, les yeux, l'ouïe et les yeux, et ce sont les insouciants. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. Donc ça, c'est clair au sujet de ces gens-là. Le cheikh il dit par la suite, فَمَنْ يَعْذِرِ اللَّهُ فِي التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ فَلَمْ يَعْذِرِ اللَّهُ فِي التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ إِلَّا الْمُكْرَةِ. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas excusé personne de prononcer une parole de kufr, excepté la personne qui est contrainte. Et les cas qu'on a mentionnés au tout début. Le cheikh il dit par la suite, أَمَّا غَيْرُ الْمُكْرَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. En ce qui concerne une personne qui n'est pas contrainte, elle a mécru. سَوَا أَكَانَ جَادًا أي قَاسِدًا لِمَعْنَ الْكَلِمَةِ أَوْ كَانَ هَازِلًا لم يقصد معناها وإنما جاء بها عن طريق المزاح واللعب فإنه يكفر بها. Donc le cheikh il dit que peu importe que la personne, quand elle l'a fait, elle était sérieuse, c'est-à-dire elle a vraiment eu l'intention de prononcer cette parole de kufr et sa signification, ou bien peu importe qu'elle soit yani, en train de se moquer ou de faire une blague et qu'elle n'a pas eu l'intention de dire cette signification-là. La personne a seulement dit ça comme pour faire une blague ou pour s'amuser. Hein? Le cheikh, il dit qu'elle est effectivement elle a mécru, réellement. Et ça, c'est tiré du texte du Coran directement. Après, le cheikh, il dit, وَذَلِكَ لَمَّا تَكَلَّمَ أُنَاسٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَالُوا ما رأينا مثل قرائنا هاهلا أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذرون إليهم مما قالوا في مجلسهم وجعلوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh il mentionne l'exemple dans la bataille de Tabouk, lorsque des gens, par exemple, parmi les gens qui étaient en train d'avancer vers Tabouk, lorsqu'ils marchaient ensemble, ils avançaient ensemble, et il y en a parmi eux qui ont commencé à dire des paroles comme, par exemple, on n'a jamais vu parmi ces gens-là, yani, en parlant des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas vu parmi eux des langues plus menteuses et des ventres plus gros et des, yani, c'est-à-dire des gens plus gourmands et des gens plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Donc, yani, en disant ça, il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc, yani, cette parole-là a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation à leur sujet. Donc, eux, ils sont venus s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour d'avoir dit ces paroles-là lorsqu'ils étaient assis ensemble. Et comme excuse, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on faisait uniquement nous amuser puis discuter, hein, c'était pas sérieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répondait par ce qu'Allah dit dans le Coran, dans surat At-Tawbah, le verset, quel verset subhanallah, c'est le verset 65-66, le verset qui dit: est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager que vous, dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. C'est ça. Donc, yani, le cheikh il dit: فَإِذَا نَطَقَ بِكَلِمَةٍ يَسْتَهْزِئُ فِيهَا بِالدِّينِ أَوْ يَسْتَهْزِئُ بِاللَّهِ أَوْ بِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ يَمْزَحُ وَيَلْعَبُ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الذين نزلت فيهم الآية كانوا مؤمنين وكانوا يقولون تلك الكلمة ويزعمون أنها من باب التسلية ويقطعون بها عنهم تعب السفر لأنهم كانوا مسافرين ومع ذلك حكم الله بكفرهم ولم يقبل اعتذارهم فهذا كفر بالقول. Donc le cheikh il dit que si une personne il prononce une parole dans laquelle il se moque de la religion, il se moque par exemple d'Allah ou de son messager ou bien de quelque chose dans la religion comme du hijab ou de la barbe, hein, souvent on entend ça des gens dans les journaux, les journalistes qui traitent les musulmans qui suivent la sunna, ils les traitent de barbus, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait une barbe ainsi que tous les sahaba, donc comment vous voulez les faire des blagues avec ces choses là Et souvent ça, on voit des gens comme ça parmi les journalistes qui se prennent pour des libres penseurs. Hein. Ils veulent imiter les philosophes des Lumières de l'Europe. Hein. Ils veulent essayer de recréer l'atmosphère de mécréance des Européens au 17e et 18e siècle. Hein. Donc ils essaient de se faire prendre pour des libres penseurs dans l'islam. Ils commencent à dire des paroles de kofre. Ils écrivent des romans, ils écrivent des trucs comme ça pour essayer de se moquer de l'islam. Ou bien ils vont faire des films, hein, des films pour essayer de ridiculiser les musulmans. Ou écrire des romans ou des reportages, yani, des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples, yani. Et il y en a aussi une autre catégorie maintenant qui est apparue dernièrement, c'est-à-dire les comédiens. Hein, les comédiens islamiques, hein, qui font des blagues en se basant sur des choses de l'islam. Ou bien il y en a que c'est pas nécessairement des comédiens islamiques, mais c'est des comédiens qui font des monologues, ils se tiennent debout puis ils commencent à faire des blagues, puis dans ces blagues là ben des fois ils insultent l'islam, ils insultent le Coran, ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils insultent la religion, ou bien ils se moquent juste de la religion, ils font des blagues sur ça, ou bien comme l'exemple des caricatures que certains koufars peuvent avoir fait, yani. Ou bien certains comme Salman Rushdie qui écrit des par exemple des romans dans lesquels il insulte l'islam, il insulte les sahaba, il insulte le prophète, il dit des mensonges sur la religion. Donc ça c'est des exemples, yani, de gens qui essaient de dire que parce qu'ils ont une liberté d'expression, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent et penser tout ce qu'ils veulent au sujet de l'islam. Eh ben, yani, ça c'est des cas. Et le fait qu'ils le disent le fait que quelqu'un dise ah non c'est imaginaire, c'est une histoire qu'on a inventée, puis c'est pas vrai, c'est juste on utilise notre imagination pour inventer des contes comme ça pour exprimer notre liberté d'expression, ça c'est pas une excuse valable. Subhanallah, si quelqu'un écrit un roman puis il insulte ta mère, il insulte ton père dedans et qu'il dit non c'est imaginaire, c'est un conte qu'on a inventé comme ça, est-ce que vous allez dire ben, que c'est une liberté d'expression? Alors, que dire de la personne qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prétend que c'est juste une histoire inventée, yani. Hein? Que ce soit inventé ou non, il l'a dit. Et ça compte. C'est pas une question que la personne a voulu faire ça pour se moquer, ou qu'elle a été sérieuse. Si quelqu'un dit je blague, ça veut pas dire que c'est pas une excuse. Ou bien, ça veut pas, si quelqu'un dit je blague, ça veut pas dire que c'est une excuse pour cette personne. Comme le cheikh il l'explique maintenant. Il dit, ceux-là, hein, qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi prétendaient qu'ils se moquaient, hein, qu'ils jouaient, qu'ils voulaient juste s'amuser. Parce que c'est des gens au sujet desquels, yani, le verset a été révélé, c'était des croyants. Et ils étaient parmi les musulmans. Et ils ont dit cette parole-là qu'ils ont dit. Et ils ont cru, ces gens-là, lorsqu'ils l'ont dit, ils croyaient que c'était juste une blague. Ils ne le disaient pas dans l'intention de quitter l'islam. Ils l'ont dit juste pour s'amuser, yani, juste pour blaguer. Et ils croyaient qu'ils restaient quand même avec ça musulmans. Mais en plus, ils étaient en voyage. Donc, ils ont pris comme prétexte également que, bon, on disait juste ça pour essayer de nous changer les idées parce qu'on était fatigués dans le voyage, donc pour nous changer un peu les idées et tout ça, on commençait à faire des blagues. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le verset dans lequel il leur a fait savoir qu'ils ont mécru, ils ont quitté la foi en disant ces paroles-là et que leur excuse n'était pas acceptée. Donc ça, c'est un exemple de kufr par la parole. Ok. Et c'est pas juste le fait que tu dis par exemple, ah, moi j'ai pas mécru parce que j'ai pas prononcé ces paroles-là, sauf que tu étais présent sur place et que tu étais assis avec ces gens-là qui se moquaient de la religion, puis tu t'es pas levé pour quitter la table ou bien l'endroit où les gens parlaient alors qu'ils se moquaient d'Allah et de sa religion, alors tu es comme eux, yani, comme Allah le dit dans un autre verset, yani. Innakum idhan mithluhum. Donc ça veut dire que vous devez quitter la place si vous voyez que des gens ils parlent ou ils se moquent de quelque chose de la religion, vous restez pas avec eux, vous devez vous lever et quitter la place jusqu'à ce que les gens commencent à changer de sujet et commencent à parler d'autres choses, sinon vous êtes comme eux dans le verdict. Après, le cheikh il dit wayakunu al-kufru bil-i'tiqad, et également le kufr peut également être avec la par la croyance. كأن يعتقد شريكا لله جل وعلا أو يعتقد صحة ما عليه الكفار ولو لم ينطق بلسانه. Donc par exemple, quelqu'un qui par exemple dit qu'il croit que le cheikh il dit le kufr peut être par la croyance, yani non seulement par les paroles et par les actions, mais il peut être par la croyance seulement. C'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il y a un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui croit que ce que les kuffars suivent, c'est la vérité dans son cœur. Il croit dans son cœur que ce que les kuffars suivent, c'est correct et c'est valable. Hein? Même s'ils ne l'ont pas prononcé avec leur langue, hein, ceux-là, ils sont des kuffars, et leur kuffre, c'est le kuffre des munafiqin, c'est le kuffre des hypocrites. يعني لأن الله جل وعلا حكم بكفر المنافقين لأنهم يعتقدون بقلوبهم الكفر مع أنهم ما نطقوا به بل ينطقون بخلافه فمن اعتقد الكفر بقلبه ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل به فإنه يكون كافرا كفر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويعتقدون في قلوبهم خلاف ما يقولون بأفواههم. Donc le cheikh il explique et il dit Allah subhanahu wa ta'ala a jugé au sujet de ces gens-là qu'ils ont le kufr des munafiqin. OK? Et pourquoi? Parce qu'ils ont cru avec leur cœur. Ils ont cru avec leur cœur en une croyance de kufr, où ils ont eu dans leur cœur du kufr. Et ils ont dit avec la langue, ils ont dit qu'ils sont croyants. Mais ils disent le contraire de ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est-à-dire ils disent pas la réalité de la mécréance qu'ils ont dans le cœur. Ils font juste faire semblant d'être croyants. Donc, ça c'est l'exemple des gens aujourd'hui qui disent « Oui, je suis musulman, mais les chrétiens, les juifs, eux, leur croyance est correcte elle aussi. » Et ils sont sur une religion qui est valable et qui est acceptable. Ça c'est un exemple de munafiqin, hein, parce que dans leur cœur, ils croient que les chrétiens sont sur le droit chemin, sur la vérité, et qu'ils sont dans la bonne croyance. Donc ça c'est... En fait, ces gens-là, s'ils le disent ouvertement, ça, c'est pas des munafiqin, mais c'est des kuffars directement. Yani. Parce que Allah a déclaré les chrétiens et les juifs dans le Coran, dans plusieurs versets, comme étant des mécréant. Mais souvent à cause de l'ignorance, les gens disent des choses comme ça. Donc il faut voir aussi la personne, si elle est ignorante, il faut lui enseigner et lui expliquer. Mais malheureusement, il y a même des soi-disant du'at, maintenant des gens qui appellent à l'islam, qui prononcent des paroles de kufr de ce genre. C'est sûr que ces gens-là qui sont des du'at ne sont pas excusés d'ignorance, puisque c'est des gens qui ont la connaissance. Mais les autres qui les suivent aveuglément, eux, sont peut-être excusés à cause du fait qu'ils ne connaissent pas les détails des fois des questions religieuses, jusqu'à ce qu'on leur explique comme il faut y aller. Et également ceux qui vont dire, par exemple, bon, nous on croit dans notre cœur que la laïcité ou d'autres idées comme la démocratie, d'autres trucs comme ça, que c'est valable, que c'est bon, ils veulent accepter le socialisme ou d'autres idéologies des koufars qui sont opposées au fondement de l'islam, parce qu'ils rendent halal ce qu'Allah a rendu haram, et ils rendent haram ce qu'Allah a rendu halal. Donc ça, c'est des choses qui sont contraires au fondement de l'islam, c'est des exemples de kufr. Donc dans leur cœur, ils le croient, mais ils ne le disent pas. Donc ça, c'est comme des munafiqines. Le chef, il dit, même s'il ne le dit pas avec sa langue, même s'il ne le fait pas avec ses actions, il est kafir, parce qu'il a caché sa mécréance et il a montré l'islam. وَكَذَلِكَ الشَّكُّ وَالظَّنِّ فَإِنَّ شَكَّ فِي حَقَائِقِ الْإِيمَانِ كُفْرٍ من فإن شك في حقائق الإيمان كفر، لقول الله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب، إشارة لمن قال وما أظن الساعة قائمة، فلما شك في قيام الساعة كفر بذلك، والذي عنده شك في أمور الدين المعلومة منه بالضرورة يكون كافرا بنص هذه الآية الكريمة. Donc le cheikh, il dit que la personne qui doute ou qui a des doutes au sujet de la réalité de la foi, cette personne-là, elle a mécru parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Kahf, le verset 37, et ça on l'a dit dans le dernier cours, la personne qui a dit par exemple à son compagnon qui avait un jardin, il lui a dit, est-ce que tu as mécru en ton créateur qui t'a créé de poussière ou de terre, en réponse à la personne qui avait dit, à l'autre compagnon qui avait dit, je ne crois pas que l'heure viendra et que je ne crois pas que l'heure sera réellement établie. Ça, c'est dans le verset 36. Donc, le Cheikh dit, lorsque cette personne-là a douté en l'établissement du jugement dernier, en la venue du jugement dernier, ben, cette personne-là a mécru. Et la personne qui a des doutes dans les choses de la religion, donc, qui est connue par nécessité de la religion, quelque chose qui est connu, c'est-à-dire il est clair dans le Coran, clair dans la Sunna, et tout le monde dans la société sait ça, et cette personne-là a des doutes là-dedans, et bien selon ce texte clair du Coran, cette personne-là est un mécréant. Donc il y a des gens qui doutent en plein de choses aujourd'hui, comme par exemple ils doutent en l'obligation du hijab, ils doutent en l'obligation de plein d'autres choses, mais bien entendu, bon, comme le cheikh il dit, ma'louma min al-umur fi umur ad-din al-ma'louma minhu bid-darura, les choses qui sont connues par nécessité. Il faut toujours voir la société dans laquelle ces gens-là vivent. Souvent, c'est des sociétés qui ont été complètement occidentalisées, ils connaissent rien de l'islam, ils ont juste entendu les paroles des gens qui sont déviés, qui leur disent toutes sortes de choses. Dernièrement, subhanallah, j'entends beaucoup de musulmans qui disent que le niqab c'est bid'a. A'udhu billah, subhanallah. Et ceux qui disent ça, c'est qui? C'est Youssef Al-Qardawi, puis des gens semblables. Et ces gens-là, ils écoutent celui-là, et ils commencent à répéter ces paroles sans même comprendre. Premièrement, c'est quoi une bid'a dans l'islam? Une bid'a, c'est quelque chose qui n'a pas été fait ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a jamais été appliqué non plus par les sahaba, ni par les tabi'in, etc. Et qu'Allah n'a pas commandé. Donc, quelqu'un qui dit que quelque chose est bid'a, alors qu'il est clair dans le Coran et dans la Sunna, alors ça c'est quelque chose qui est rejeté, parce qu'il faut que la chose soit pas mentionnée justement et pas enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est un hadith dans Sahih Bukhari, il dit que la femme en état d'ihram ne doit pas porter le niqab, elle ne doit pas porter les gants. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que la femme qui est en état d'ihram, lorsqu'elle va faire le hajj ou quand elle fait l'umrah, qu'elle ne soit pas avec un niqab, ça prouve que le niqab existait à l'époque et que les femmes se couvraient le visage. Et tous les ulama sont d'accord que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient toutes avec le niqab. Donc peu importe que quelqu'un reconnaisse ou que quelqu'un dise que ce soit obligatoire ou que ce soit pas obligatoire de couvrir le visage, eh bien il peut pas nier que le niqab fait partie de l'islam et qu'il existe. D'accord? Et que même il y en a qui disent que, même ceux comme Cheikh Al-Albani qui dit que ce n'est pas obligatoire de le porter pour la femme, mais même lui, rahimahullah, sa fille portait le niqab et elle se couvrait le visage. Et non seulement ça, il dit que dans les cas où les situations où il y a une fitna très grande dans la société, eh bien c'est obligatoire pour la femme de le porter. Et donc j'encourage les femmes, les sœurs qui sont salafiyas, de mettre le niqab, parce que c'est quelque chose qui est bon. Et bien entendu, pas le niqab n'importe quelle façon, le niqab selon la sunna, qui laisse pas trop d'espace pour faire la fitna avec les yeux là, parce qu'il y en a, on sait que il y en a qui exagèrent avec ça, qui font une large espace et donc ils font la fitna avec leurs yeux avec le niqab. Non, on parle du niqab qui est en accord avec le Coran et la sunna. Et c'est juste pour dire que ces gens-là, c'est bizarre, parce que les choses qui sont clairement bid'a, ils le disent, ils refusent de le déclarer comme étant bid'a. Mais les choses qui sont pas bid'a, ils les déclarent bid'a. Subhanallah. Donc pour eux, la sunna c'est bid'a, puis la bid'a c'est la sunna. Donc c'est ça ce qui arrive avec des gens comme ça qui n'ont pas compris la réalité de l'islam, et donc ils commencent à mélanger toutes les choses à l'envers. Allah musta'an. Donc des gens qui amènent des doutes au sujet du niqab, bien entendu, il y en a, c'est juste l'ignorance qui les pousse à faire ça. Mais Allah musta'an, on vit vraiment dans une époque incroyable, que Allah nous en sauve. Après, le cheikh il dit: وكذلك يكون الكفر بالفعل إذا فعل أفعال الشرك وأفعال الكفر حكمنا عليه بالكفر فإذا ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو استغاث بغير الله فإنه يحكم بكفره ولو قال أنا ما أعتقد هذا بقلبي نقول فعلك هذا كفر ونحكم عليه بالكفر بما ظهر منك. Donc le cheikh il dit que par exemple les actions de kufr et les actions de shirk, ça fait également sortir quelqu'un de l'islam. Donc le kufr, ça peut être également par les actions, comme par exemple le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, ou de se prosterner à autre qu'Allah, ou de chercher d'implorer le secours d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, et le fait par exemple de faire des choses comme d'insulter la religion, d'insulter Allah ou d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est des paroles de kufr. On aurait pu le mentionner tout à l'heure, mais on peut le rentrer également dans les actions, parce que bon, la parole c'est une action aussi. Et le cheikh il dit que la personne qui commet ces actions là, eh ben on peut déterminer et on peut déclarer que il a commis un acte de kufr. Même s'il dit je crois pas à ça dans mon cœur, on dit ce que tu as fait c'est kufr, et on juge nahkumu alayhi bil kufr, on juge qu'il a fait le kufr selon ce qui est apparu de lui. Après le chef il dit wa kadhalika at-tark idha taraka shay'an min umur ad-din kas-salah mathalan fa idha taraka as-salah muta'ammidan fa innahu yuhkamu bi kufri لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وعلق الكفر على ترك الصلاة متعمدا فأما إذا كان غير متعمد فهذا لا يكفر بل يعد مخطئا وقال تعالى بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فعلق الكفر على مجرد الترك ولو كان لم ولو لم يجحد وجوبها فأما إذا جحد وجوبها فهذا كافر ولو صلى في الصف الأول. Le Cheikh il dit, de même que par exemple pour d'avoir abandonné des actions comme le fait d'avoir abandonné des choses de la religion comme la salah. Hein? Si quelqu'un abandonne la salah volontairement, inconsciemment, mais cette personne-là, on juge qu'il est mécréant. Et il dit, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, le pacte ou l'entente qui est entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui la laisse, il a mécru. Wa allaqa al-kufra ala tark. Ala tark salat muta'amidan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la personne qui abandonne la salat, il est mécréant. Il la laisse par exprès, mais s'il la laisse pas par exprès, c'est-à-dire il l'a pas fait exprès, ou il l'a pas laissé volontairement et consciemment, alors dans ce cas-là, on dit qu'il a seulement fait une erreur. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Donc le cheikh il dit que l'imam Muslim l'a rapporté selon Jabir, un hadith qui dit entre la mécréance et entre le shirk. Et une personne, il y a le fait de laisser la salat. Donc le cheikh, il a encore une fois associé la mécréance au fait. Le cheikh, il a dit que le hadith associe la mécréance au fait de laisser tomber la salat, même si la personne n'a pas rejeté ou nié l'obligation de la salat. Tandis que la personne qui a rejeté ou nié l'obligation de la salat, elle est mécréante même si elle priait dans le premier rang. C'est-à-dire même si la personne elle prie, elle est mécréante même si elle prie tant qu'elle n'a pas reconnu l'obligation de la salat. ولو كان يقول إن الصلاة طيبة وعبادة ولكنها ليست واجبة هذا كافر بالإجماع. ولو كان يحافظ على الصلاة. Donc le cheikh il dit, si la personne dit oui, la salat c'est une bonne chose, c'est une adoration, mais elle n'est pas obligatoire, il est kafir selon le consensus des musulmans, même s'il prie. Hein, même s'il prie, lui-même il fait ses cinq prières à temps, tous les jours. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'obligation de la salat. Et le même le cheikh dit, وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاءَ أَوْ وُجُوبَ الْحَجِّ أَوْ وُجُوبَ الصِّيَامَ يكون كافرا ولو فعل هذه العبادات لكن الكلام في الذي ترك أو يترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها فهذا يكفر بنص الحديث. Il dit de même que la personne qui nie ou qui rejette l'obligation de la zakat ou l'obligation du hajj ou l'obligation du saum, il est mécréant. Même s'il les applique, même s'il les fait. Mais le cheikh dit, on parle de la personne qui a abandonné la salat et qui croit en son obligation. Il dit que la personne est mécréant selon le texte de ce hadith. Et on a déjà expliqué plusieurs fois que, yani, à ce sujet-là, il y a une divergence. Mais, yani, comme le cheikh Ibn Uthaymeen, il disait que quand il dit que la personne qui laisse la salat et kafir, il parle de la personne qui abandonne la prière complètement, c'est-à-dire il prie jamais. Tandis que il dit que la personne qui, certains ulama ont donné plus de détails, ils ont dit si la personne il abandonne la salat par négligence ou par paresse, et bien celle-là elle n'est pas mécréante. Ça c'est la position du jumhur des ulama, la majorité des ulama qui disent que la personne qui l'abandonne par paresse, elle n'est pas considérée comme étant mécréante. D'accord? Et même parmi les ulama des Hanabila, les ulama qui sont sur le madhab l'imam Ahmad, ils ont mentionné que l'imam Ahmad a deux positions à ce sujet-là. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son livre Al-Mughni, il a un chapitre sur la question et il a défendu la position qui dit que il n'est pas kafir. D'accord. Mais comme j'ai dit une fois, yani, lorsqu'on mentionne ce hadith de tarik al-salat, la personne qui abandonne la salat, c'est pas nécessaire de mentionner le khilaf à chaque fois, ou de mentionner, c'est-à-dire la différence d'opinion à chaque fois. Parce que des fois, on peut mentionner ces hadiths uniquement dans le but de faire peur à la personne qui abandonne la salat, pour lui faire comprendre le danger à ce sujet-là. Hein? Donc, ça fait partie des hadiths de la menace qui font comprendre à la personne que yani, il est dans un très grand danger s'il abandonne la salat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça kufr. C'est pas comme n'importe quel autre péché, yani. C'est plus grave que de tuer, de voler, de manger du porc, de faire de l'adultère et tous ces autres crimes-là, yani. Donc quelqu'un doit faire attention de ces choses-là, yani. C'est la différence entre toi et le non-croyant. C'est la différence entre toi, le musulman, et le non-musulman, si tu laisses la salat. Donc c'est très très très sérieux. Et également, comme par exemple, on peut mentionner le fait que par exemple quelqu'un dise que quelque chose n'est pas haram, alors que c'est haram dans le Coran et dans la Sunna, ça aussi ça peut, c'est considéré comme un acte de kufr, de nier ce qui est haram. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui dirait non, l'alcool dans l'islam c'est halal. Quelqu'un qui dit dans l'islam l'alcool c'est halal, il est kafir. S'il a dit ça alors qu'il n'est pas ignorant, la personne qui nie l'interdiction de l'alcool, par exemple, il est kafir. Même si lui-même ne boit jamais d'alcool, même s'il n'a pas jamais bu une goutte d'alcool, il le rend halal, il est kafir. Tandis que l'autre qui boit de l'alcool, hein, qui boit de l'alcool tous les jours, mais qui dit oui, l'alcool c'est haram, lui il est un musulman, il est un pécheur, mais il n'est pas sorti de l'islam. Hein, la même chose pour celui qui dit par exemple le porc c'est pas haram. Quelqu'un qui dit le porc c'est pas haram, il est kafir s'il le dit. Et alors qu'on lui a dit les textes et les preuves de l'interdiction, il persiste à nier que c'est haram, il est kafir. Même s'il dit je mange pas de porc et je n'ai jamais goûté même pas un morceau de porc, j'en ai jamais goûté et j'en mange jamais et j'en mangerai jamais, même s'il n'en mange pas, tant qu'il n'a pas reconnu l'interdiction, il est kafir. De même que toutes les autres choses qui sont dans l'islam comme interdiction, comme le zina ou les autres péchés de ce genre. De nier ces interdictions-là, c'est kufr. Même si la personne ne fait pas ces péchés-là. Pourquoi? Parce que c'est de rendre halal ce que Allah a rendu haram. Hein? C'est de rendre halal ce que Allah a rendu haram. Donc c'est comme si tu renies qu'est-ce que Allah a dit. D'accord? Ça c'est important à comprendre. Après, le cheikh il dit, pour terminer, il dit: هذه انواع الردة على سبيل الاجمال واذا رجعت كتاب احكام الردة في كتب الفقه ترى العجب العجاب حتى قال بعضهم ان الردة تزيد على 400 ناقد من نواقض الاسلام. Le cheikh il dit voilà uniquement quelques exemples de formes d'apostasie de façon générale, hein, parce que on pourrait en mentionner beaucoup plus et donner beaucoup plus de détails, mais le cheikh il voulait juste donner une petite aperçu. Et il dit, si tu retournes au chapitre dans les livres de fiqh, au chapitre qui se rapporte aux règles à propos de l'apostat, tu vas voir que dans les livres de fiqh, dans tous les livres de fiqh, peu importe que ce soit un madhhab en particulier, dans tous les madhhab, les quatre madhhab, vous allez trouver yani des exemples innombrables de ridda, d'apostasie. Et ce chapitre-là, il est dans tous les livres de fiqh. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose comme certains là qui vont dire, ah, ça c'est les wahhabis qui ont amené ça. Hein? Non, c'est pas les wahhabis comme, c'est pas qu'est-ce qu'ils pensent eux là. Yani, l'imam Muhammad ibn Wahhab, il a pas amené ça de sa tête. Hein? Il a pris ça dans le Coran, dans la Sunna et dans les livres des ulama. Hein? Il a étudié ça dans les livres des ulama. C'est juste qu'il y en a d'autres qui ont négligé ces choses-là, qui n'en ont pas parlé pendant des siècles, ou bien qui n'en ont pas parlé pendant très longtemps, et qui ont laissé les gens faire qu'est-ce qu'ils faisaient, sans dénoncer ces choses-là, ou bien ils l'ont dénoncé mais ils n'avaient pas la capacité de le dénoncer ouvertement, parce que dans là où ils étaient, ils n'avaient pas la liberté de le faire. Alors que lui, il a eu la capacité de le faire, il a eu la liberté de le faire, et il l'a fait, alhamdoulilah. Et donc, à cause de ça, cette parole-là a été clarifiée et expliquée parmi les gens de sa région, et les gens ont accepté qu'est-ce qu'il a enseigné, puis c'est tout. Et le cheikh, il dit que si tu retournes dans certains de ces livres-là, parmi les livres de fiqh écrits par les ulama des quatre madahil, vous allez trouver que certains ont dit que les exemples de ridda dépassent même 400 cas différents de choses qui peuvent annuler l'islam d'une personne. Donc ça dépasse même jusqu'à 400 exemples de choses qui peuvent annuler l'islam de quelqu'un. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup d'exemples. Et le cheikh il dit فَالْأَمْرُ خَطِيرٌ جِدًّا. L'autre jour je vérifiais justement dans un livre de fiqh shafi'i, je l'ai dans un de ces livres là et puis subhanallah, le cheikh dans le chapitre de Ar-Ridda commençait à mentionner des cas et des cas et des cas et des cas. J'ai dit subhanallah, c'est incroyable. Donc c'est juste quelques petits exemples. L'imam Ibn Abdul Wahhab, il en a mentionné 10 dans son petit essai qu'il a écrit sur les choses qui annulent l'islam, alors qu'il aurait pu en rajouter des centaines et des centaines. Le cheikh il dit فَالْأَمْرُ خَطِيرٌ جِدًّا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَهَاوَنْ فِي هَذَا الْأَمْرُ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِالذَّاتِ ظَهَرَ قَوْلٌ غَرِيبٌ يَقُولُ أَصْحَابُهُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَكْفُرُ مَهْمَا فَعَلْ وَمَهْمَا قَالْ إلا إذا كان في قلبه مكذبا وجاحدا يا سبحان الله يغفل عن نصوص القرآن ونصوص السنة ويأتي بقول محدث هذا تضليل للناس وهذا تهويل من شأن الكفر ومن شأن الشرك والعياذ بالله فيجب أن لا نغتر بهذا القول ولا بمن قاله وإن كان ينتسب إلى السنة وإلى السلف فهذا قول لا يقبله صاحب السنة أبدا لأنه مخالف للكتاب والسنة وهو مبني على الجهل والقول على الله بلا علم والجحود والتكذيب كما تقرر سابقا نوعان من أنواع الكفر وليس الكفر محصورا فيهما. Donc le cheikh il dit, donc cette question-là est très dangereuse et c'est pas permis de négliger cette chose-là ou de le prendre de pas lui donner l'importance qu'il mérite. C'est une chose très sérieuse et particulièrement dans les jours actuels. Il y a une parole qui est apparue, une position qui est apparue qui est très étrange, et certains de ces gens-là disent que une personne, peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il dit, s'il n'a pas rejeté la vérité dans son cœur, ou qu'il n'a pas nié dans son cœur, il est toujours croyant, même s'il fait ce qu'il fait ou qu'il dit ce qu'il dit de contraire au fondement de l'islam. Et le cheikh il dit, ah subhanallah, il néglige les versets du Coran et les textes de la sunna qui sont clairs à ce sujet-là, et il vient avec une parole qui est nouvelle, Alors il dit ça c'est un égarement pour les gens, et ça c'est une façon de rabaisser l'importance du kufr et du shirk, c'est comme si tu rabaisses ou tu nies le danger du kufr et du shirk, que Allah nous en protège. Après il dit, il est obligatoire de ne pas se laisser tromper par ces paroles-là ou ces positions-là, et de la personne qui prononce ces paroles-là, même s'il se prétend appartenir à la sunna ou au salaf, il faut vérifier sa parole. C'est pas n'importe qui dit moi je suis salafi ou je suis sur la sunna que automatiquement tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est accepté. Le cheikh il dit هذا قول لا يقبله صاحب السنة أبدا. Ça c'est une parole que quelqu'un qui est sur la sunna n'acceptera jamais, parce que c'est contraire au Coran et à la sunna, et c'est basé sur l'ignorance et la parole, et de parler à propos d'Allah sans connaissance. Le cheikh il dit al-juhud wa at-takdhib, le fait de nier et de traiter de mensonge quelque chose dans l'islam, hein, comme on l'a expliqué, c'est deux parmi les formes de kufr, mais c'est pas les seules, il y en a beaucoup d'autres. Donc le kufr n'est pas limité à ces deux exemples là ou à ces deux cas là. Après le cheikh il termine ce point là en disant فالواجب على المسلم ان يكون على بصيره من دينه وياخذ دينه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا من اقوال الناس الذين هم عرضه للخطا والصواب ونحن نعتقد ان هؤلاء وقعوا في هذا لا عن قصد وانما وقعوا فيه عن جهل نسال الله لنا ولهم الهدايه والبصيره والعلم النافع والرجوع إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والحق أحق أن يتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh il dit l'obligation pour le musulman c'est quoi? C'est d'avoir une connaissance claire de sa religion et de ne pas prendre sa religion que du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et non des paroles des gens, hein, parce que les paroles des gens, bon, bien entendu, ils peuvent se tromper, ils peuvent s'éloigner de qu'est-ce qui est la vérité, puis ils peuvent dire vrai. Donc quelqu'un peut dire vrai, quelqu'un peut se tromper, donc il faut toujours ramener ces paroles-là des gens au Coran et à la Sunna. Et le cheikh il dit, nous on croit que ces gens-là ils ont أن هؤلاء نحن نعتقد أن هؤلاء وقعوا في هذا لا عن قصد. C'est-à-dire, nous on croit que ces gens-là, ils sont pas tombés dans ces erreurs-là volontairement. Hein? Ils ont uniquement fait ces erreurs-là par ignorance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour nous, hein, la guidance et la connaissance et le bon savoir. Et de retourner à la vérité, car yani, le retour à la vérité, c'est un grand mérite. Hein, lorsque la personne revient à la vérité, c'est un mérite de sa part, c'est pas quelque chose d'humiliant. Et la vérité mérite plus d'être suivie. Et après le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, envoie son salut sur son noble messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ceux qui l'ont suivi et ses compagnons. Et Yannick qui envoie sa paix sur lui également. Et pour terminer, je veux juste mentionner le point que lorsqu'une personne a commis un acte de kufr ou une parole de kufr ou une croyance de kufr, a eu une croyance de kufr, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir, il doit revenir à l'islam. Et la façon dont il doit revenir à l'islam, c'est de reprononcer les shahada. Hein, son shahada doit être reprononcé, doit dire le shahada encore une fois. Et il doit corriger la chose à cause de laquelle il a quitté l'islam. Comme par exemple, s'il a quitté l'islam en niant l'obligation de faire la salat, il doit affirmer l'obligation de la salat. S'il a nié par exemple l'interdiction de l'alcool ou l'obligation du hijab, ben il doit revenir, la personne doit revenir à l'islam en reprononçant le shahadatayn et en corrigeant et en remettant en disant la vérité au sujet de qu'est-ce qu'il avait nié de l'islam. D'accord? Donc c'est qu'est-ce qui concerne l'apostasie ou ar-ridda dans l'islam. Et ça termine ce chapitre, le sixième cours au sujet du kufr et du shirk dans l'islam. Et le cours prochain, c'est le dernier cours, le cours numéro 7. C'est le dernier chapitre, pardon, c'est pas nécessairement le dernier cours. Ça se peut qu'il va être divisé en deux ou en trois. Ça va être demain. Inch'Allah, on va parler de Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. L'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Je peux pas dire à l'avance est-ce que ça va être deux cours ou trois, un cours ou deux. Peut-être même trois, on verra, inshallah. Donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de toute forme de kufr et de shirk dans les paroles et dans les actions et dans les croyances, et qu'il nous éloigne de toutes ces causes-là, et qu'il nous protège de ces choses-là, et qu'il nous donne une foi qui est ferme et qu'il nous fasse mourir sur l'islam, hein, et qu'il nous fasse entrer au paradis et qu'il nous protège du feu de l'enfer. Et je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, parce qu'on est dans les 10 derniers jours du Ramadan, de faire beaucoup d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran et l'étude, hein, la méditation sur l'essence du Coran, et dans les prières de tahajjud et de qiyam al-layl et de tarawih et tout ça. Et donc ça, c'est des choses qui se produisent une fois par année uniquement, et qui sait s'il sera encore en vie l'année prochaine. Donc profitez-en de cette occasion, inshallah, et que Allah nous accepte nos actions et qu'il les rende sincères uniquement pour lui. Donc barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à demain inshallah.